Une vie à un homme pour se faire une réputation. Mais il suffit d'une seconde, une mauvaise parole pour la détruire. Envoie les billets. Les bons comptes font les bons amis, pour ça que je marche tout seul. Panam boss, tu sais pas qui je suis, tape mon nom sur Google. Lâche l'affaire frère, y'a que le banquier qui peut me régler mon compte. Le genre ça va, ça vient frère, comme un fusil à pompe. Je préfère grailler du porc que voter pour Sarko. Nique sa mère dans ce rap français, y'a que des charclos. 13 y'a plus de relève, j'suis de plus en plus célèbre. Te touche même pas, j'te pénètre, côtoie des futurs proxénètes. Venez, venez si vous êtes hip-hop. Calibré, je veux mourir maintenant. Achète mes CD, je m'en fous que tu m'aimes humainement. Prodige comme Pajot et Tovin, une balette d'ail. Entre jambon et salami, pas les couilles, je vais tout grailler. J'ai une seule parole, une seule daronne, et je peux mourir pour les deux. Gros, c'est parent, si tu me carottes, je t'allume ta mère sous ses yeux. Pop, podcast sur la rétine, on t'encule sans sourciller. Cherche un épicier avec pour faire poser des faux billets. Si t'as cassé, faut payer, je peux jurer, voilà que tu vas raquer. Voilà que tu vas raquer, ou bien voilà que tu repars à pied. Gros, ça vient de la tête, traîne dans le 16, chaîne de guerre contre plus terrier. Jamais en grève, jamais en reste, font de la cesse, même les jours fériés. Sous les couilles de la 09, dans 75-008. Partons sur mes 07, tiens chérie, prends mon 06. Poto, invite-moi sur un fil. Si t'as besoin d'un classique, le jour où je te resterai fait Zlatan, tu verras que Paris est magique. Mais... Parle-nous en cash, on fait pas de necro. Si je suis cagoulé, ne parle pas trop. Que tu sois blanc, robé ou négro. Matin, midi, soir, je pense qu'à ça, même les mains liées. Rien à foutre, finir au stepo. Envoie les billets. Me serre pas la main, je suis pas ton poteau. Envoie les billets. Si tu veux pas finir à l'hosto, envoie les billets. Matin, midi, soir, je pense qu'à ça, même les mains. Envoie l'oseille, que je l'investisse et que je la coupe au kérosène. Sous tes beaux airs, se cache une traîtrise qui ferait courir un faussaire. Tes rappeurs, c'est mousse entre mis, sans oublier le génocide sur la terre promise. Indépendant, je rêve comme un électron libre. Je suis violent, je fais des dieux, déjà la matière grise. Des sommes astronomiques, méfie-toi des frères qui t'enterrent sanglant. Ton putain d'arbre généalogique n'est plus qu'un putain d'automne de sanglant. Monnaie, monnaie, monnaie, main de fer dans un gant de velours. Je veux la vie de rêver, délover dans l'enveloppe. Si je fais le mort, j'entends voler les vautours. Je sors du poste avec du bif et des marques de menottes. Amener du liquide tout de suite. Algérien, Marocain, Tutsi. Reste l'espoir, même pris pour cible. Par la bac en pleine course, poursuis. Je cours circuit. Le rap game, no pay, no gain. Hotel, champagne, cocaine, hotel. Trop de cicatrices sur le corps, y'a même plus de place. Comme Wizzy. C'est style fraîche, fils de porc, ne demande plus jamais où is it. Négro, j'fusille, le savoir est une arme, j'écris avec un Uzi. Tu te feras briser, si t'essaies de niquer un négro déjà baisé. Les rappeurs qui détaillent les étapes de la beatcraft sont des poucaves musicales. La plupart sont des acteurs, comparent leurs textes avec leur vie et tu ricales. Ici ça représente tous nos gagnants à tes camarades. On est fait comme des racés pour les malamina, mais on prend la monnaie à la mine. Depuis Mino, j'élimine ma musique, calme. Coup de fil à la faucheuse pour vous terminer de par deux. J'puis où j'veux, mon territoire est dans les cieux. De par Dieu, j'calcule moi, elles disent tu frimes. Toi tu fais la rosta, baby j'fais pas la rosta. J'suis une rosta. Parle-nous en cash, on fait pas de necro. Si je suis cagoulé, ne parle pas trop. Que tu sois blanc, robé ou négro. Matin, midi, soir, je pense qu'à ça, même les mains liées. Rien à foutre, finir au stepo. Envoie les billets. Me serre pas la main, je suis pas ton poteau. Envoie les billets. Si tu veux pas finir à l'hosto, envoie les billets. Pour les jeans, c'est pour ça que je vais être rap. Mais on est trop, c'est pour ça que je graille pas. Sans perversion, c'est pour les flotras. Mais rien que je les ken, je suis dans le bus de podcast. Mon style est fou, envoie les sous. Le rap c'est chez moi, donc installez-vous. Rien que je brûle DMC, donc régalez-vous. Mon flow c'est pas, donc décalez-vous. D'aller dans l'aile, on veut m'en empêcher. Je veux me rod, car va falloir encaisser. Je connais les chiffres, tu vas pas me taxer. Ainsi que l'alphabet, on va pas se rabaisser. Tantôt entêté, tantôt entêté. On fait des vides verts qui nous mettent bien l'été. Parce que ta vie et moi, je vais pas la saboter. C'est pas parce que t'es grand qu'on va pas sauter. Le langage est codé. Le personnel est rodé. Bonne nuit, ça les auditeurs en font des audés. On fait des dîmes ici pour pouvoir investir au deux blés. Convert du savoir, je peux instruire tous ces deux blés. Fanatique, t'as vu comment on skip. Baiser du cerveau, t'as vu comment on strip. J'en vais dans mes poches, j'en ai même que dans les clips. J'en ai dans mon flow, ouais, j'en ai dans mon skip. Ici, salope. C'est problème, grosse paix. Drogue douce, polos, cocaine. Paris, hôtel, stress, sky, cola, champagne. 50, business, money, picture. Billy, victime. 7-5, c'est ma suite. Briquet, petit peu clos dans le jean. Chauffons de Michael Jackson, Billy Jean. Ce soir, je suis seul, mon cash dans la pile. Prends 2-3 nums de tasse dans la pile. C'est magique, c'est de la colombienne. J'attends que les boulots viennent. Magique, c'est de la colombienne. bien, j'attends que les polos fiers. Donc envoie les billets qu'on s'arrache d'ici en Air Force. Sur ta carte Pekin, Belfort ou Washington Airport. Bitch, j'suis international ce comité. Comme futur, I wanna walk up in your Bugatti. Parle-nous en cash, on fait pas de necro. Si j'suis cagoulé, ne parle pas trop. Que tu sois blanc, robé ou négro. Matin, midi, soir, j'pense qu'à ça, même les mains liées. Rien à foutre, finir au stepo. Envoie les billets. Me serre pas la main, j'suis pas ton poteau. Envoie les billets. Si tu veux pas finir à l'hosto. Envoie les billets. Matin, midi, soir, j'pense qu'à ça, même les mains liées.